On a fait l'école de la rue, pas les beaux-arts. Marseille résonne comme le aux armes. Mythique comme un pack sur un toit. Pour la bague sur un doigt, mais le cap sur un 3. Amen. On te blesse pour blesse, je veux la fraîche pour plaire. Dèche sur dèche, sur le 13 couvert. C'est le J, c'est le D, là de A à Z. On n'a pas assez, mais on n'est pas à sec. Ta carnale, partout ça cavale, debout la zone, Capunta Cana, à sens de malfaiteur, à fond dans le FV, les martiens des rêves, c'est Marseille bébé. J'suis buteur comme Pierre Emerick, si j'ai nos casse, mon crop, je la rate. Jamais je m'arrête, sur le texte, braque le mic et je m'arrache. Je lève via ma A ou BM, j'mets claquette Azix ou TN. Tête baissée, ça 32 dedans, même c'est grand comme la tour, c'est ma CGM. J'ai le cœur rempli de haine, quand ça mes sens sont remplis de peine. Ici, c'est sans pitch, ça fait les sous jusqu'à ce qu'ils te prennent. C'est Warzone dans la ville, c'est Warzone dans la zone. Tu m'as dit qu'il t'a la zine, il est pour elle mon corazon. On débarque sur le GS, tu nous connais, c'est Marseille princesse. L'alias est grosse et épaisse, c'est la rue, pas Netflix ni OCS. Le frangin il aime trop les fesses, il veut taper des gothiques et des véganes. Je veux des Gucci, pas des Ray-Ban, on a volé des Scénic et des Mégane. Genre un truc c'est pas des lol, ces bâtards vont finir par changer de langue. Fais attention, les rumeurs ça court même plus vite que Bameyang. On arrive en bande organisée, réveille la zone. Dans toute la France, toutes les cités, Marseille résonne. On arrive en bande organisée, réveille la zone. J'esquive les folles qui veulent piquer, Marseille résonne. Oh, oh, oh, oh. Ça s'allume dans les fours de Daronne qui pleure de partout. J'suis dans la zik et dans le four. Oh, oh, oh. J'tourne rapta dans la ville, j'conduis le gamos, je vois flou. La nuque sur la putette. Sur la A7, j'rafale, j'suis en bidex. Quand j'rafale, j'suis en bidex. RS en mode S, gros terre, ma grosse fesse. Des paillettes et des strass, millions d'euros en espèces. J'les écoute, c'est des you, genre des terreurs comme la marque. Pourquoi quand j'dégaine le gun, y'a plus personne qui veut foutre mal. Wesh. Un 3, c'est Kouliakan. Que des loups, que des piranhas. Au RSA dans l'huracan, s'éclate la tête comme des piñatas. Calé sur la moto, Jacques plus sur le chapeau. Maillot de l'OM sur le dos, les petits s'amusent à El Chapo. Et nique sa mère, Natacha Saint-Pierre. Mon esprit vient d'ailleurs en feu. J'fais que des horaires comme Tommy dans Power. L'écriture est urbaine. J'ai une vision de la rue, elle est crue et cruelle. J'ai cette arme humaine. Tu sens par terre, les odeurs des terres. C'est pas tombé du ciel. Des amis qui se plaignent. Y'a des loups qui hurlent, elle est pleine de peine. C'est pas l'une de miel, pas une mauvaise lumière. Toujours dans le tunnel, pour la moitié d'une pièce. Une amitié qui tienne. Pas les mêmes, dans Mars c'est trop criminel. Dis pas merci, on dit tueur à gage. Les petits veulent se faire niquer mes neiges. 13 000 soucis, c'est fatigant. J'vends, elle veut que j'lui donne du temps. J'prends un fond, snappel MLRS. Bout du moteur en bas du pont. J'casse la puce, les barres à vide. Ah, j'suis pas ravi. Quand j'fais l'oseille, j'perds des gens chers. J'm'éloigne du paradis. Marseille résonne. On arrive en bande organisée. Réveille la ZAD. Dans toute la France, toutes les cités. Marseille résonne. On arrive en bande organisée, réveille la zone. J'esquive les folles qui veulent piquer, Marseille résonne. Oh, oh, oh, oh. Ça s'allume dans les fours de Daronne qui pleure de partout. J'suis dans la zik et dans le four. Oh, oh, oh. J'tourne rapta dans la ville, j'conduis le gamos, je vois flou. I'm saying.